Lettre 26e. Comparaison entre les idées de décence en France et en Angleterre, cause de la différence qu'elles présentent. Il n'y a rien, peut-être, qui marque plus fortement la différence entre les mœurs de la France et celles de l'Angleterre que les idées différentes que l'on s'y forme de ce qui est ou non modeste et décent. Je ne crois pas non plus que toute l'intimité qui s'est établie depuis 20 ans dans les relations entre les deux nations n'ait apporté aucune modification à leurs opinions à cet égard. Je pense toutefois que cette différence est plus superficielle que beaucoup de personnes ne se l'imaginent, et qu'elle provient en grande partie plutôt de circonstances accessoires que d'aucune variété innée dans la capacité des deux nations pour le perfectionnement et la civilisation. Ce qui frappe évidemment le plus sous ce rapport est l'étonnante liberté avec laquelle on parle ici, dans la meilleure société, de choses auxquelles, chez nous, les classes les plus humbles s'abstiennent soigneusement de faire la moindre allusion. Il paraît que l'opinion de Martine ne lui est pas particulière, et que l'on pense assez généralement, comme elle, que, quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Sous d'autres rapports, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il existe en France un défaut bien visible de ce que nous appelons « refinement » quand on compare ce pays avec l'Angleterre. Je ne crois pas que jamais Anglais soit revenu d'un voyage à Paris sans rendre témoignage à la vérité de ce fait, et nonobstant la galomanie qui règne parmi nous, tous reconnaissent que, quelque frappante que soit l'élégance et la grâce des classes élevées, ils remarquent toujours dans la nation le manque de cette délicatesse générale à laquelle tout ce qui est au-dessus de la dernière populace attache chez nous un si grand prix. On voit ici des spectacles, et l'on supporte des désagréments qui nous feraient devenir fous au mois de juillet et nous pendre au mois de novembre. Il serait plus qu'inutile de fixer votre attention sur un fait si connu et si peu agréable, si ce n'est qu'il peut être intéressant d'examiner comment différentes circonstances, qui en apparence n'ont rien de commun entre elles, se rattachent pourtant les unes aux autres et forment un tout. Il fut certainement un temps où il était d'usage en Angleterre, comme il l'est maintenant en France, d'appeler les choses par leur véritable nom. On en trouverait des preuves bien graves jusque dans des sermons, et à plus forte raison dans des traités, des essais, des poèmes, des romans et des comédies. Je dirais même que si nous devions former nos idées du ton de la conversation en Angleterre, il y a un siècle, d'après le dialogue des comédies écrites et jouées à cette époque, nous serions obligés de reconnaître que nous étions alors plus éloignés de cette délicatesse dont nous nous glorifions, que ne le sont aujourd'hui nos voisins les Français. En ceci, je ne fais point allusion à la licence des mœurs, ou au grossier rabeu de cette licence, mais à un genre particulier de susceptibilité, dont le défaut peut être très compatible avec la vertu, comme sa possession n'offre malheureusement aucune garantie contre le vice. Je soupçonne que si nous nous sommes corrigés de cette grossièreté, nous le devons beaucoup plus aux grandes richesses de l'Angleterre qu'à la sévérité de sa vertu. Vous direz peut-être que je me suis éloigné à une immense distance du point d'où j'étais parti, mais je ne le pense pas. Autant en France qu'en Angleterre, je trouve une foule de motifs pour croire que j'ai raison de chercher cette différence remarquable entre les deux pays, moins dans les dispositions ou le caractère matériel du peuple que dans les facilités accidentelles de perfectionnement qui ont été offertes à l'un d'eux et refusées à l'autre. Il serait facile, en consultant les divers ouvrages dont je viens de parler, de constater si effectivement l'augmentation de la susceptibilité en Angleterre a été graduelle, et si elle a effectivement suivi dans une proportion exacte l'augmentation de ses richesses et le soin que l'on y prend d'éloigner de la vue tout ce qui peut choquer les sens. Quand nous cessons de voir, d'entendre et de sentir des choses désagréables, il est naturel que nous cessions d'en parler. Et je crois qu'il est tout à fait certain que les Anglais se donnent plus de peine qu'aucun autre peuple du monde pour que les sens, ces instruments qui transmettent les sensations du corps à l'âme, lui portent, aussi peu que possible, les nouvelles de ce qui s'y passe de désagréable. Tout le continent de l'Europe, à l'exception peut-être d'une partie de la Hollande, qui, sous beaucoup de rapports, montre une sympathie fraternelle avec nous, peut être cité pour son infériorité sous ce rapport, en comparaison de l'Angleterre. Je me rappelle qu'en débarquant l'année dernière à Calais, Je m'amusais beaucoup de la réponse d'un voyageur expérimenté à un novice qui faisait sa première excursion. « Quelle détestable odeur !» dit le jeune étranger en se couvrant le nez de son mouchoir. « C'est l'odeur du continent, monsieur, » répondit l'homme d'expérience, et cela était vrai. Il y a des détails sur lesquels il est tout à fait impossible de s'arrêter et qui malheureusement n'exigent pas de plume pour les indiquer à l'attention. Je souhaiterais, s'il était possible, les laisser plus dans l'ombre que je ne les trouve. Mais il y en a d'autres, qui tous proviennent de la pauvreté comparative du peuple et qui tendent à produire, par l'enchaînement naturel des causes et des effets, le manque de délicatesse dont je parle. On n'a qu'à examiner la disposition intérieure de l'habitation d'une famille parisienne dans les classes moyennes et la comparer à la maison qu'occupe à Londres une famille de la même classe. Comme tout ce qui appartient à la décoration s'obtient à bon marché à Paris, nous trouvons tous les objets d'ornement en profusion dans cette demeure. Les glaces, les rideaux de soie, les dorures sous toutes les formes, les vases de porcelaine, les lampes d'albâtre et les pendules sur lesquelles la marche du temps, qui ne recule jamais, se marque avec une grâce et un charme qui fait oublier ce qu'elle a de solennel. La dixième partie d'un mobilier de ce genre, que l'on regarde comme nécessaire dans un logement modeste à Paris, rendrait une petite maîtresse de Londres l'objet de l'envie de toutes ses voisines. Mais, après avoir admiré le nombre de ces objets de luxe et l'élégance de leur arrangement, allez plus loin et entrez dans les chambres à coucher ordinaires, entrez même dans la cuisine et vous reconnaîtrez sur le champ l'immense différence entre les deux habitations. À Londres, l'eau monte jusqu'au second et souvent même jusqu'au troisième étage et se trouve partout en abondance, sans que les domestiques aient d'autres peines à prendre pour se la procurer que de tourner un robinet. Le même avantage se trouve toujours dans une cuisine, généralement dans deux, et souvent dans trois de la même maison. Quand de l'autre côté on songe que presque tous les ménages de Paris ne reçoivent de ce précieux don de la nature la quantité dont ils ont besoin pour les usages les plus indispensables, que par deux seaux à la fois, péniblement montés jusque chez eux par des porteurs d'eau en sabots, arrivant par le même escalier qui conduit à leur salon de compagnie, il est évident que l'usage ne saurait en être aussi fréquent que chez nous et qu'il doit être impossible de le répandre avec autant de profusion. À la vérité, cet inconvénient est en quelque façon compensé par le bon marché des bains publics et la facilité avec laquelle on y arrive. Mais quoique la propreté du corps puisse être de cette façon convenablement entretenue par les personnes qui ne regardent pas comme indispensable de trouver toutes leurs aises sans sortir de chez elles, il n'en est pas moins vrai que le manque d'eau, ou du moins sa rareté, est un obstacle à cette perfection de propreté dans toutes les parties de la maison que nous regardons comme nécessaire à notre bonheur. Quelle que soit mon admiration pour l'église de la Madeleine, je pense qu'il eût été bien plus avantageux pour la ville de Paris de consacrer les sommes qu'elle a coûté à bâtir à la construction et à la pose de tuyaux pour la distribution des eaux dans les maisons particulières. Mais quelque grand et quelque nombreux que soient les inconvénients qui résultent de la rareté d'eau dans les chambres à coucher et dans les cuisines de Paris, il y a un autre défaut bien plus grand et dont les effets sont bien plus graves. Le défaut d'égouts et de puisards est commun à toutes les villes de France, et il est terrible. Il me semble naturel et inévitable qu'un peuple qui, en naissant, est obligé de plier ses sens à supporter sans se plaindre les souffrances auxquelles un pareil défaut le condamne, il est naturel, dis-je, que ce peuple soit moins délicat ou moins susceptible que nous dans ses pensées et ses paroles. Vous voyez que, comme un prédicateur, j'ai fini par revenir à mon texte et que j'ai expliqué, à ce que je crois, d'une manière satisfaisante ce que j'ai voulu dire, en remarquant que le défaut de délicatesse qui nous choque si souvent en France ne provient point d'une grossièreté naturelle d'esprit, mais qu'il est le résultat inévitable de circonstances qui changeront sans doute à mesure que les richesses du peuple augmenteront et qu'il se familiarisera davantage avec les mœurs de l'Angleterre. Cet éloignement de tout ce qui peut choquer les sens, cette habitude de caresser en quelque sorte l'âme, par l'absence de tout ce qui peut lui causer une sensation pénible, est probablement le dernier point auquel l'esprit d'invention de l'homme peut arriver dans ses efforts pour embellir l'existence. La variété dans les plaisirs et les amusements est certainement une moins grande preuve de civilisation que ce soin minutieux d'éviter ce qui est désagréable. Et il est possible que, puisque nous avons surpassé toutes les nations modernes dans cette espèce de sybaritisme, nous soyons aussi les premiers à tomber de la hauteur où nous nous sommes placés pour être engloutis dans le gouffre du passé où la Grèce et Rome ont péri. Est-ce ainsi qu'il faut interpréter le bill de la réforme et tous les autres bills qu'il a entraînés après lui? Quant à cette autre espèce de perfectionnement qui appartient tout entière à l'intelligence et qui, s'il frappe moins les regards au premier aspect, est néanmoins d'une teinte plus foncée et plus durable que ce qui ne tient qu'aux manières, il est moins facile d'y penser et d'en parler avec assurance. La France et l'Angleterre possèdent l'une et l'autre une si longue liste de grands noms que chacune d'elles peut citer à l'appui de leurs prétentions à la palme littéraire que la meilleure manière, selon moi, de terminer la dispute est de reconnaître que chaque nation a raison de préférer ce qu'elle a produit elle-même. Mais hélas, dans le moment actuel, elles n'ont pas de quoi se vanter ni l'une ni l'autre. Ce qu'elles ont encore de bon est oppressé et étouffé par le mauvais. La presse licencieuse des deux pays a depuis quelques années inondé la littérature d'une si immense quantité de mauvais livres qu'il serait difficile de dire si c'est en France ou en Angleterre qu'il y aurait plus de danger à permettre aux âmes jeunes et pures de lire indifféremment tout ce qui se publie. Je pense qu'on ne disconviendra pas que l'école de Hugo a mêlé plus de ridicule au mal, mais il ne serait pas impossible que cette circonstance même servît de contrepoison à ses ouvrages. C'est une espèce de mystification qui passera de mode plus promptement encore que les pilules du docteur Morrison. Nous ne possédons rien d'aussi absurde que cela, mais nous avons des ouvrages qui seront infiniment plus funestes à notre prospérité nationale. Pour ce qui regarde la distinction entre ce qui est moral et non, quoiqu'au premier aspect la question puisse paraître assez simple, la solution n'en est pas moins difficile. En parcourant l'autre jour en volume d'Adèle et Théodore, ouvrage écrit spécialement sur l'éducation, et par un auteur que nous avons tout lieu de croire sincère dans ce qu'elle dit, j'ai trouvé le passage suivant. Je ne connais que trois romans véritablement moraux. Clarisse, le plus beau de tous, Grandison et Pamela. Ma fille les lira en anglais lorsqu'elle aura 18 ans. Je veux bien laisser passer le vénérable Grandison, quoiqu'il ne soit nullement sans tache. Mais qu'une mère permette à sa fille de 18 ans de lire les deux autres, c'est là un mystère difficile à comprendre, surtout dans un pays où les jeunes personnes sont élevées, soignées et tenues à l'abri de toute espèce de mal, avec la surveillance la plus active et la plus incessante. Je pense que Madame de Genlis se sera dit que, comme le but moral de ses ouvrages est bon, la grossièreté révoltante avec laquelle sont écrits quelques-uns de leurs passages les plus remarquables ne pouvait avoir aucun inconvénient. Mais c'est là un arrêt hardi et dangereux quand il s'agit de diriger les études d'une jeune personne. Il me semble que nous pouvons découvrir des symptômes du sentiment qui a dicté cet arrêt dans le ton de mordante satire dans lequel Molière attaque ceux qui voulaient bannir tout ce qui pouvait faire insulte à la pudeur des femmes. En lisant les paroles qu'il met dans la bouche de Philaminte, nous ne pouvons nous empêcher de rire de l'idée. Mais chez nous, Sheridan lui-même n'aurait pas osé tourner un pareil sujet en plaisanterie. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravi, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Ces jouets éternels des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Une pareille académie pouvait être certainement une institution fort comique, mais les devoirs qu'elle aurait à remplir ne rendraient pas les fauteuils de ses membres des sinécures en France.